5. Le retour. Tais-toi, le ciel est sourd, la terre le dédaigne. Le vent froid de la nuit, poème barbare, le conte de l'île. Le bois est solitaire, la lune, dans son plein, éclaire les trois sentiers qui passent au milieu des hautes fougères brûlées. Les chênes noueux, rabougris, chauves de leurs feuilles, ont l'air de petits vieux transis, se chauffant à ce pays soleil de rêve. Rien ne bouge. Les lapins et les lièvres qui, au matin, vont broutant dans la rosée, et le jour, traversent furtivement le chemin, pelotonnés au fond des terriers, attendent l'aurore. Les rainettes vertes dorment au fond des fossés. Sur la mousse, à gauche, une grande forme noire est étendue immobile. Soudain, une brise froide se lève, y fait frissonner les fougères et les rares feuilles sèches restées aux arbres. Un hibou quelque part, tout près, pousse son cri lugubre. La forme noire remue, se dresse, se lève. C'est un homme. La lune éclaire en plein son visage décharné, où deux grands yeux bleus, sauvages et hagards, brillent comme des vers luisants dans les broussailles d'une chevelure fauve. Il est misérablement vêtu. Sa veste d'alpaga, jadis noire, tournée au vert, est bien légère par cette nuit de fin de décembre. Son pantalon est déchiré dans le bas. En même temps que son gros bâton, il ramasse un chapeau de paille défoncé qu'il met sur sa tête et s'en va d'un pas chancelant, ombre errante et pitoyable dans la route blanche. « Sacré froid » murmure-t-il en soufflant sur ses doigts engourdis pour les réchauffer. « Quand je pense qu'à cette heure il y a des gens bien vêtus, bien au chaud dans des maisons fermées, étendus sur des fauteuils rembourrés devant un feu brillant, digérant quelques bonnes dindes truffées, tandis que je grelotte sous mes haillons, que j'ai pour lit le tapis des lapins, pour abri le plafond des chouettes. Et encore les lapins, les chouettes, ça a des terriers, des nids, ça mange à sa faim. Bon sang de bon sang, cela me rend fou, je deviens enragé, féroce comme les loups, mes frères, les seuls qui soient aussi gueux que moi. Tant pis, je ferai comme eux, et gare à qui me résistera. J'ai des dents longues, des crocs moi aussi. Je suis affamé, je veux manger, me repaître et jouir à mon tour. Assez, assez d'hésitation, Jean, mon garçon, assez de scrupules, de bêtises. Ah, les ignobles repus, ils me repoussent parce que j'ai faim et que mes habits en loques cachent à peine mes os. Comme c'est juste ça. Si j'avais de belles frusques et la panse ronde, ils me feraient des risettes. Dire que personne n'a voulu de moi, personne. Qu'ai-je donc dessus qui met les gens en défiance? Verrait-on sur mon visage? Bah, des blagues. Il n'y a pas de justice. Celui qui m'a poussé au mal vit heureux, riche, sans remords. Le gredin et moi, je porte seul la peine. J'avais tout quitté, plein de bonnes idées. Je venais demander pardon à ma mère et passer le restant de ma vie avec elle. J'étais décidé, oui, Dieu m'est témoin, bien décidé à devenir un bon sujet, à travailler dur pour réparer le mal que je lui ai fait. Après un voyage terrible où je me suis crevé, privé de tout, pour ne pas arriver à elle les mains vides, je cours à la terricole. Malédiction, la maison est fermée. La voisine, mère de Péroulin, morte. Celui-ci parti pour les Amériques avec son père. Je m'informe, personne ne sait ce qu'est devenue ma mère. Il y a des années qu'elle a quitté le pays. Je descends dans la plaine, je fouille les environs à 10 lieues à la ronde, je questionne tout le monde. Personne ne l'a vue. Personne ne se souvient d'elle. Désespéré, sans le sou, je reviens dans mon village. Je demande du travail. Tous me tournent le dos. Comment donc? Le fils à la Jeannette, qui a volé son patron à Villeneuve autrefois, pourquoi pas un galérien alors? Oust! À la porte et plus vite que ça. Je veux parler, expliquer, on ne m'écoute même pas. Je vais en ville, j'essaie de me placer n'importe où, n'importe comment, cuisinier, domestique, garçon boucher, commis, manœuvre, partout la même grimace en voyant ma tête. Toujours la même question. Vos papiers, vos certificats? Comme si j'en avais, moi, des papiers, des certificats. Ah, ils sont plus sauvages, ces chrétiens-là, plus féroces, plus cannibales que les cannibales là-bas, à la Nouvelle. Au moins ceux-là, ils vous engraissent avant de vous manger. Alors quoi, faut voler encore pour vivre? Pourtant, je n'étais pas méchant, moi, ni exigeant. Avec du pain tous les jours et un peu d'amitié, j'étais content. Je n'aurais fait tort à personne. Mais c'était trop pour moi, cela encore. Rien du tout. Voilà quelle est ma part en ce monde. Rien, est-ce assez, je vous le demande? L'homme s'était arrêté. Son regard fou semblait s'attacher à un interlocuteur invisible. Il avait saisi le tronc d'un jeune chêne. Il le secouait comme pour en obtenir une réponse. Brusquement, il le lâcha, reprit sa marche vacillante et sa sourde plainte. J'ai tendu la main. J'ai mendié de maison en maison. On me jette un vieux morceau de pain et on me fait partir bien vite. Si j'allais prendre quelque chose, hein? Marche donc, va nu-pied, vagabond, ne t'arrête pas. Il n'y a pas d'asile pour toi. Mange l'air du temps, bois la pluie du ciel. C'est assez pour toi, misérable. Eh bien, puisqu'il croit que je suis un voleur, je le serai. J'ai pris autrefois pour les autres, je prendrai pour mon propre compte maintenant. J'en ai assez de mâcher de la vache enragée, de tremper des croûtes dures dans l'eau des ruisseaux, de croquer des fruits verts ou des châtaignes crues. C'est malsain l'eau pure, c'est plein de petites bêtes, des microbes qu'on appelle. Le monde est mal fait. Les uns ont trop de tout, jusqu'à en être malades, et moi, je n'ai pas de quoi ne pas mourir de faim. Sait-il bien cela? Il y en a qui disent que cela ne durera pas et que bientôt il y aura un grand chambardement, qu'alors pauvres et riches seront tous pareils, qu'il y aura du bonheur pour tout le monde. Ah, what? Quand? En attendant, faut-il claquer? Sale machine que cette terre, sale bon Dieu qui voit tout cela, il reste bien tranquille dans son ciel. N'est-ce pas lui-même qui me pousse au mal? Eh bien, va pour le mal. Voici le petit bois là, sur la hauteur. Mais où est la maison de la vieille? Elle est calée, m'a-t-on dit, la sorcière. Pareil qu'elle a un magot caché quelque part dans la baraque. Sacré égoïste. Pourvu qu'elle aille à la messe, je me cacherai, puis dès qu'elle aura détalé, ni vu ni connu, j'enlève la pie au nid. Qui donc saura que c'est moi? Je n'ai rencontré personne en traversant le village. Et dans ce bois, sauf les lapins et les grenouilles, l'affaire faite, j'achète habits, chapeaux, souliers, je vais chez un perruquier et me voilà honnête homme. Je trouve un emploi, je suis sauvé. C'est simple et limpide. Faut-il mieux tourner l'œil dans un coin pour être ensuite ramassé comme une charogne par quelques paysans ivres revenant du marché? Si je rate le coup, j'ai ici un vieux camarade qui parle un peu, mais bien, mon revolver. Il sera temps alors de lui faire dire deux mots à mon oreille. Bon, la lune se cache, un témoin gênant de moins. Cette petite lumière là-bas, ce doit être la maison. Allons, courage, examinons les lieux et attendons. Si elle n'allait pas à la messe tout de même, bah, c'est picoque, ça ferme à peine. Et les vieilles, c'est faible, ça ne se défend pas. Oui, et c'est là le chien dans, ça pleure, ça tremble. Elle est capable de passer comme un poulet. Je la bâillonnerai d'abord, sans lui faire de mal, pour qu'elle ne braille pas. Puis je la rassurerai, je lui expliquerai. Pour qu'elle te dénonce après et te fasse prendre, sotte affaire. J'aimerais mieux attaquer des taureaux dans la brousse. Mais non, faut en finir, allons-y, voici la cahute. Observons. Jean était arrivé sur le sommet de la butte couverte de chênes dépouillés, sorte de belvédère naturel, d'où l'on apercevait vaguement la plaine de Bilaire perdue dans la nuit. Quelques lumières se détachaient dans les ténèbres. Derrière le bois, à côté à lui, une petite maison s'élevait, modeste et solitaire. Posée de champs sur le sentier, elle offrait aux passants son étroite façade blanche percée de deux fenêtres, son toit d'ardoise noire rabattu devant, tombant bas de chaque côté comme un capulet de veuve. Un jardinet, au carré de légumes bien cultivés, longeait la partie principale, donnant sur la plaine où était la porte d'entrée. On distinguait les formes irrégulières d'un bûcher et d'un poulailler derrière la maison. Une faible lueur éclairait la fenêtre donnant sur le chemin. L'homme ouvrit sans bruit la porte du jardinet, s'approcha et regarda. « Il y a une gosse, murmura-t-il. Quelle déveine! Je ne savais pas cela. Allons, un autre poulet à ficeler. » Deux personnes, en effet, étaient assises dans l'âtre de la petite cuisine propre. Une fillette de 10 ans à peu près, blonde, menue, jolie, et une femme âgée, vive encore d'allure, mais le front entouré de bandeaux entièrement blancs. Où donc le misérable a-t-il vu ces traits réguliers, si délicats, mais si ridés qu'ils en sont effacés, comme un dessin couvert de 1000 fines ratures? Elles sont charmantes à voir ainsi, l'aïeule sans doute, et la petite fille. la première assise sur une chaise basse, l'autre sur un escabeau de bois tout près, tout près. L'enfant, tourné vers la femme, les coudes appuyés sur ses genoux, une main sous son menton, lève sur elle son gentil visage confiant et présente ses pieds nus à la flamme. Les lèvres de la vieille remuent. Elle doit raconter une histoire. L'homme tend l'oreille. Non, elle chante. Oh, que ce chant est doux, que la voix est pure et fraîche encore. Le cœur du malheureux est chaviré. Où a-t-il entendu ces terres-là? Il semble monter en lui d'un passé lointain, lointain, traversé et écarté des brumes amoncelées. Brusquement, le voleur tressaille des pieds à la tête. Le souvenir lui revient. C'est un Noël et c'est sa mère qui le chantait jadis. Il faut qu'il l'entende de nouveau, et mieux avec les paroles. La porte donnant sur le bûcher est ouverte. À pas muet, de son pas de traqueur de bête, il pénètre sans bruit dans le fond obscur de la cuisine et se glisse derrière le grand lit, dont les rideaux à carreaux bleus et blancs le cachent, tout en laissant voir ce qui se passe. Les deux femmes, absorbées l'une par l'autre, ne s'aperçoivent de rien. « Encore, Maï, dit l'enfant, encore, je te prie, ne sais-tu pas d'autre, Noël ?»« Si, j'en connais un autre, un seul. Pourquoi ne me l'as-tu jamais chanté ?»« Parce que cela me faisait trop de peine. »« Il est vilain, il est triste ?»« Non, mais il me rappelle quelqu'un que j'aimais beaucoup et que j'ai perdu. »« Ton pauvre mari, n'est-ce pas ?»« Non, pas mon mari. » »« Ta défunte mère ?»« Non plus. » Qui donc alors? Un enfant. Que tu aimais beaucoup? Beaucoup. Gentil? Très gentil. Grand comme moi? Plus grand. Blond lui aussi? Bien plus blond que toi, les cheveux plus dorés. Mais il n'était pas ton petit enfant. Tu n'as pas eu d'autre enfant que moi, dit Maï. Si, j'en ai eu un autre, un fils. Celui-là justement auquel je chantais ce Noël. Pourquoi tu m'as jamais dit que tu avais eu un autre enfant? Parce que je ne pouvais pas, cela me faisait trop de peine. Je comprends, il est mort. Non, il n'est pas mort. Alors, où il est? Il est parti. Bien loin? Très loin. Et ce soir, cela ne t'en fait pas de la peine de parler de lui? Ce soir, au contraire, c'est drôle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de chanter, de rire. Mon cœur bat. Tiens, mets ta main là. Mais... Sens-tu comme il tape fort? Oui, pourquoi ce soir et pas les autres jours? Je n'en sais rien, c'est comme cela. Est-ce que l'on sait pour quelle raison l'on souffre une fois plus qu'une autre? Le cœur, sans doute, a besoin de se reposer, de souffrir, comme le corps de travailler. Mais je ne l'ai jamais vu à ton fils. Non, il était parti avant que je ne t'aie trouvé. Tu l'avais aussi trouvé à la tirucole, dit Maï, au pied de la croix, comme moi? Oh non, c'était mon propre enfant. Ton propre enfant? Alors moi, je ne suis pas ton propre enfant? Oui, oui, Ming, ami, calme-toi. Ce n'est pas vrai que je suis l'enfant des Hades, comme on disait là-haut, quand nous étions à la Maison Blanche et que les Ménades, petite fille, me montraient du doigt en m'appelant fille des Hades, filleule des Brouches, Brouchine. Elles s'échappaient quand je m'approchais d'elles pour jouer. Elles étaient méchantes et je suis bien contente d'être partie. Non, ce n'est pas vrai. Tu es ma petite fille chérie. Et tu m'aimes autant que ton petit garçon? Je t'aime beaucoup, tu es ma consolation, ma joie. Oui, mais tu l'aimes plus à lui, dit. Non, seulement toi, tu es là, je t'embrasse et je puis te soigner. Lui est loin, il est seul peut-être. Il n'a personne pour l'aimer. Alors tu comprends, il faut que je l'aime beaucoup pour tout ce qui lui manque. C'est vrai. Alors il était bien, bien gentil ton petit garçon, aussi gentil que moi? Oh oui. Comment s'appelait-il? Jean. Mais je l'appelais Yanoulet. Comme cela, il n'est pas mort, il s'en est allé. Pauvre Yanoulet, je l'aurais bien aimé s'il était resté. Je n'aurais pas été toujours seul. Nous serions descendus à l'école ensemble, comme Jacques et Marie de Lousteau. Mais pourquoi est-il parti? Il ne t'aimait donc pas, lui? Moi, je ne voudrais pas te laisser, jamais. Si, il m'aimait bien, mais il a été entraîné par de mauvais camarades. Il a fait de vilaines choses et n'a pas osé revenir me trouver. Il est parti et je ne sais pas où il est. Tu ne sais pas où il est? Il ne t'a rien envoyé dire donc? Oh, pourquoi a-t-il fait cela? Moi, quand j'ai été méchante, je viens vite te le raconter pour que tu me pardonnes tout de suite. Il y a longtemps que cela est arrivé? Très, très longtemps. Il avait 15 ans. Il en aurait 27 maintenant. 27? Comme il serait vieux, bien, bien plus vieux que moi. je ne pourrai pas m'amuser avec lui. Alors je ne regrette pas autant qu'il soit parti. Mais toi, Maï, ça t'a fait de la peine ? Oh, beaucoup, beaucoup de peine. Je crois que si le bon Dieu ne t'avait pas donné à moi, si je ne t'avais pas trouvé, pauvrine toute faible et mignonne, ayant tant besoin d'être soignée et aimée, je serais morte de chagrin. C'est pour cela que tu pleures souvent la nuit quand tu crois que je dors ? Je t'entends bien, va, mais je ne fais semblant de rien puisque tu le caches de moi. C'est pour cela aussi que tes cheveux sont si blancs qu'on dirait que tu es très très vieille, et que tu as toujours des robes noires. Dis-moi tout de ton petit garçon, je t'en prie, Maï. Je n'en parlerai à personne et je te consolerai. Quand j'ai un chagrin, vite je cours te le raconter et tu me consoles toujours. Moi aussi je te consolerai, tu verras. Veux-tu, dis ? Oui, écoute. Autrefois, tu t'en souviens, nous habitions près de la Terricole, la maison blanche qui est en haut du coteau. Oui, il y avait devant de gros châtaigniers. Cette maison, avec la terre qui l'entourait, était le bien que mon pauvre homme avait laissé en mourant. Je vivais là avant ton arrivée, bien seul, cultivant le jardin, le champ, récoltant mes châtaignes, élevant quelques bêtes, mais tranquille et heureuse encore, car j'avais avec moi mon Yanoulet. C'était un si bel enfant. Je l'avais nourri de mon lait 2 ans passés. Tout le monde l'admirait quand je descendais au village, le dimanche avec lui sur les bras. Son teint était rose et blanc comme celui d'un Jésus de cire, ses cheveux blonds et bouclés comme le petit saint Jean-Baptiste de la procession, et connu, éveillé qui a de la connaissance, Escarabilla, dégourdi, gros. Tout le monde lui donnait plusieurs mois de plus que son âge. Ses jambes et ses bras étaient de vraies curiosités tant ils étaient gras, fermes, pleins de trous. Je l'aimais à vendre mort âme pour lui. Il était tout pour moi, je l'aimais trop. Dieu n'est pas content qu'on aime ainsi d'autres que lui. Tout ce qu'il voulait, mon îlot, je le voulais. J'étais faible. Je ne savais pas alors qu'on peut faire autant de mal en étant bon qu'en étant méchant, plus même parfois. Je sais cela maintenant. Je l'ai appris en souffrant beaucoup. Mais je croyais que d'aimer c'était tout, que lorsqu'on aimait et qu'on ne pensait pas à soi-même, on ne pouvait mieux faire. Il faut aimer, certes, mais aimer bien, ne pas gâter ce qu'on aime. Moi, j'ai gâté mon fils. J'étais si heureuse de lui donner ce qui m'a tant manqué, enfant à moi, pauvre orpheline, un peu de bonheur. J'avais besoin de lui pour cultiver notre bien, mais il trouvait le travail de la terre trop pénible. Il voulait être un monsieur à paletot. Sa grand-mère, qui vivait alors, lui avait mis cette idée dans la tête. Je lui ai cédé pour notre malheur. Si je lui avais résisté, il serait encore auprès de moi. Rien de ce qui est arrivé ne serait arrivé. Qui sait pourtant ? Faut croire que c'était la volonté de Dieu, car rien ne vient sans sa permission, comme dit monsieur le curé. Enfin, que veux-tu ? J'ai envoyé mon Yanoulet en ville, ainsi qu'il le désirait tant, apprenti dans un grand magasin. Là, il a fait de mauvaises connaissances. Il a été entraîné à mal faire. Il s'est perdu, puis il est parti. C'est bien vilain de s'en aller comme cela, sans seulement t'embrasser ni te demander pardon. S'il était venu te trouver tout de suite, tu lui aurais pardonné, n'est-ce pas, Maï, comme à moi quand je n'ai pas été sage ? Bien sûr, mais il n'a pas osé revenir, il avait honte. Je le connais, moi, il est bien mon fils. Il aurait préféré mourir plutôt que de voir mon chagrin et que d'entendre mes reproches. Mon pauvre petit, il était si doux, si gentil avant cela. J'en étais si orgueilleuse. C'était mal, vois-tu. Les mères ne devraient jamais être orgueilleuses de leurs enfants. Ça porte malheur. Il ne m'écoutait pas beaucoup, c'est vrai, mais j'étais si faible aussi. Il m'aurait demandé la lune, je crois que j'aurais essayé de la lui donner. Toutes les veillées de Noël, quand il était petit, je le prenais sur mes genoux, et je lui chantais des cantiques comme à toi. Et celui que tu ne veux pas me chanter aussi ? Surtout celui-là. Il l'aimait beaucoup. Il s'endormait toujours quand nous arrivions au dernier couplet. Je voudrais bien le connaître, ce Noël. Cela te ferait-il beaucoup, beaucoup de peine de me le dire ? Oh, pas l'air, rien que les paroles. Non, non, ce soir, au contraire, ça me fera plaisir. Je vais te le chanter. Une autre fois, peut-être, je ne le pourrai plus. Alors, écoute bien. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent à l'entour de ce grand Dieu l'amour. Entre la rose et le souci, dors, dors, dors le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour entre les deux bras de Marie. Dors, dors, dors, le fruit de vie. Mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour entre deux larrons sur la croix. Dors, dors, dors, le roi des rois. Mille juifs mutins crachent à l'entour de ce grand Dieu d'amour qui m'aura dit lorsque, endormi, j'embrassais sa tête d'Anjoulin, petit ange, que lui aussi serait un larron. Un larron? Qu'est-ce que c'est qu'un larron, Maï? C'est un voleur. Un voleur? Ah mon Dieu, non, ce n'est pas possible. Ton petit enfant, Yanoulet, n'était pas un voleur. Hélas, oui, ma fille, ce n'est que trop vrai. Je ne pouvais pas le croire d'abord. Moi non plus, tu penses, mais il a bien fallu que je reconnaisse la vérité. On l'a pris en portant un paquet qui n'était pas à lui. Il n'y a pas de doute possible. D'ailleurs, s'il n'était pas coupable, serait-il parti comme cela? Un voleur, un de ceux qu'on amène en prison entre deux gendarmes? Oh, Maï, j'ai peur. Prends-moi sur tes genoux et serre-moi bien fort. Je ne deviendrai pas une voleuse, dis. Tu m'en empêcheras. Tu ne m'as pas gâté, au moins moi. Mais qui est là? Il m'a semblé entendre quelque chose comme un soupir. C'est une bête dans le fourrage en haut, ou la Martine qui se remue dans l'étable. Ne crains rien. Mets-toi bien contre moi, là. Tu n'as pas peur, toi? Oh, moi j'ai si peur. Pourquoi veux-tu que j'aie peur, voyons? D'abord, rien n'arrive sans la volonté du bon Dieu. Et puis, que craindrais-je? La mort? Si je ne devais pas te laisser seule au monde, elle serait la bienvenue. Qu'on me vole? C'est mon enfant qu'on volerait, pas moi. Le peu de bien que j'ai conservé après la vente de la maison, je le tiens toujours prêt au cas où il reviendrait. Ce que je gagne en allant travailler au champ et en filant nous suffit amplement à toi et à moi, avec les légumes du jardin. Il nous faut si peu de choses, mais reviendra-t-il jamais? Je commence à ne plus l'espérer. Comment ce méchant qui t'a tant fait pleurer, ce voleur, tu n'es donc pas fâché après lui? Fâché, petite, tu ne sais pas ce que tu dis. Une mère, vois-tu, ne peut pas rester longtemps fâchée après son enfant. Mais pense donc, voler, c'est très, très laid. Moi, si j'étais toi, je ne l'aimerais plus du tout, il me semble. Pour rien au monde, je ne voudrais l'embrasser maintenant. Tiens, j'ai encore entendu le bruit. Non, non, c'est le vent. Il s'est levé et hurle. Comme à la terricole. C'est vrai, pourquoi en sommes-nous partis de la maison de la terricole et Mayotte? Raconte-moi, jamais tu n'as voulu me le dire. Parce que j'avais honte, tout le monde savait que mon fils avait volé son patron et on me tournait le dos. Tu dis qu'on se moquait de toi en t'appelant la fille des Hades. Moi, on m'appelait la mère de Jean le voleur. Ah, j'ai bien pleuré, bien souffert. Monsieur le curé cherchait à me donner du cœur, le pauvre. Il me disait que les fautes de mon fils n'étaient pas les miennes. Ça n'y faisait rien. Elle me pesait comme si je les avais faites moi-même, plus encore. Tu ne te doutais pas de cela, toi, tu étais trop petite. Enfin, n'y tenant plus, j'ai vendu, comme j'ai pu, la maison et la terre. J'ai ramassé mon argent, nos affaires, nos meubles, et nous sommes venus nous le cacher ici, dans cette maison écartée, sur cette colline, d'où l'on voit la plaine et qui me rappelle la terricole. J'ai changé de nom, personne ne sait qui je suis. Les gens du pays me traitent bien. Ils voient que j'ai besoin de vivre, ils trouvent que le travail ne me fait pas peur, et ils m'emploient. Maï, Maï, si ton petit garçon revenait et allait te chercher à ton ancienne maison, il ne te trouverait pas. Quel qu'il se penserait, quel chagrin il aurait, le pauvre. J'ai prévu cela, tu peux croire. J'ai dit où j'allais à mon amie, la seule qui me soit restée fidèle dans mon malheur. Tu sais, la mère du grand Péroulin, qui demeurait aux deux cantons. Près de chez nous, je lui ai bien tout expliqué, au cas où l'on demanderait après moi. Je lui ai même remis un peu d'argent pour le pauvre enfant, s'il en avait besoin. Cette fois, Maï, je suis sûr que ce n'est pas le vent. Le vent est dehors et le bruit est dans la chambre. On dirait quelqu'un qui pleure. Jean, écroulé dans la ruelle, derrière les rideaux du lit, n'arrivait plus à maîtriser ses sanglots. Que faire? Se montrer? Non. Il s'en trouvait à jamais indigne. Devant la grandeur de l'indulgence maternelle, au récit de cette vie d'abnégation et d'amour, si pure, tout entière consacrée à son souvenir, au bien, son offense lui semblait découplée. Sa propre vue lui apparaissait criminelle, hideuse, intolérable. Ah, s'en aller, se terrer n'importe où, se tuer sur le pas de la porte en baisant le seuil vénéré. Mais comment sortir sans attirer l'attention éveillée maintenant? Ne t'effraie donc pas, Peg, sotte, continua la mère. Je te garde. Je n'ai plus que toi au monde. Qui donc oserait venir te prendre dans mes bras? Alors, s'il revenait, ton petit garçon, au lieu de le gronder, de le punir, tu lui pardonnerais? Tu serais contente de le revoir? Il a été bien assez grondé par sa conscience, assez puni par ses remords. On ne peut pas être heureux, vois-tu, quand on quitte le droit chemin, à moins d'être tout à fait canaille. Et il ne l'est pas, j'en suis bien sûr. Ah, s'il revenait, s'il me disait comme autrefois, « Me voici, Maï, pardonne-moi », je lui crierais, « il haut, viens dans mes bras !» Et je crois que je mourrais de contentement. Ah, il haut, quand reviendras-tu? Le temps me dure, mon enfant, je me fais vieille. Chaque année, sans toi, en vaut 10 des autres. Voici bien longtemps que je t'attends toujours, toujours, partout. Les gens prétendent que tu es mort, mais je sais bien que ce n'est pas vrai, moi. Quelque chose me l'aurait dit. Les mères sentent ces choses-là. Je sais que tu reviendras, je l'ai tant demandé au bon Dieu. Ah, si je pouvais deviner où tu es, comme je courrais vite. Je reprendrais mes jambes de 15 ans. Je ne craindrais ni de traverser les mers, ni de monter sur les montagnes, ni de marcher nuit et jour sans me reposer, sans manger ni boire. Je te trouverais, je t'emmènerais heureuse et fière, plus heureuse et plus fière que le jour où j'entendis ces mots regardissant comme une liqueur forte, « C'est un fils !»« Oh, dis où tu es, je te vois tel que tu dois être, grand comme ton pauvre père, maigre, un peu courbé, le front ridé, la barbe fournie, le teint noirci, les yeux, tes beaux yeux si doux, enfoncés, inquiets. J'ai tant pensé à toi, toujours, partout, la nuit, le jour, quand je travaille, quand je me repose, quand je mange, quand je dors, je pense à toi. Ah, reviens. Mes baisers effaceront tes rides, mes larmes laveront le mal qui est en ton cœur. Viens, mon enfant, je t'attends, viens. Mon Dieu qui voyait ma souffrance, Dieu de bonté et de pardon, rendez-moi mon fils, et je vous adorerai toute ma vie. Ô Tout-Puissant, pour qui rien n'est caché, pour qui rien n'est impossible, allez le chercher là où il est, amenez-le-moi. Vous que je baise matin et soir sur votre croix, ô Christ qui avait été un petit enfant dans les bras de sa mère, divin martyr, qui pardonniez aux larrons crucifiés avec vous, ayez pitié de nous. Voyez, ne sommes-nous pas crucifiés, nous aussi, loin l'un de l'autre? Je me repens comme le brigand. Me repousserez-vous? C'est vrai, vous m'aviez dit ce petit afin que je l'élève pour vous, et je n'ai pas su faire, pauvre paysanne ignorante et seule que j'étais. Mais donnez-le-moi une seconde fois et vous verrez. Rendez-le-moi que je puisse vous l'offrir de nouveau. J'ai bien entendu cette fois, c'est un sanglot, je t'assure, Maï. Quelqu'un pleure dans la chambre. Oh, j'ai peur, j'ai peur. » Jean s'était levé, attiré par une force irrésistible. « Calme-toi, décroche tes bras de mon cou, tu m'étouffes. Laisse-moi me lever et tiens-toi derrière moi sans bouger, » dit la veuve à l'enfant, folle de terreur, qui s'attachait convulsivement à elle. Elle était bien pâle, la Maï, mais si calme, si belle, si grande ainsi, debout, dominant le danger avec le courage de l'absolu désespoir. Sa voix sonnait haut dans la chambre. « Moi aussi, j'ai entendu, mais je ne crains rien. Personne ne peut me faire plus de mal que j'en ai, ni me voler. Ce que j'avais de plus précieux, je l'ai déjà perdu. Quant à te prendre, toi, mon dernier bien, c'est une autre affaire. Il faudrait passer sur mon corps avant. » « Qui est là ? » cria-t-elle. Rien ne répondit. « C'est encore le vent, voyons, rassure-toi, pauvrine. Mais non, on dirait une plainte. » C'est peut-être un esprit, les âmes des trépassés viennent parfois visiter les vivants. Ah, mon fils est mort, si c'est ton âme échappée de ton corps qui vient me trouver, ô mon enfant, attends, attends, je vais te suivre. Oui, oui, tu es ici, je le sais, je le sens. Viens nous l'aider, mon petit, viens, vivant ou mort, montre-toi. Aïe, aïe, aïe, Maï, là, là, vois, vois l'homme, sainte Vierge, projetée chez nous, il vient pour nous tuer. Maï, cache-moi, prends le grand couteau, il s'avance. Je le vois, je le reconnais, c'est bien lui, Seigneur, qu'il est changé, qu'il est maigre et pâle, plus encore que je ne pouvais l'imaginer. Il est mort, c'est certain. Approche, âme de mon enfant, je n'ai pas peur de toi. Dieu, sa figure est chaude, des larmes, de vraies larmes coulent de ses yeux. Yanoulet dit, est-ce que je rêve? Suis-je folle ou suis-je morte moi aussi? Sommes-nous tous deux dans le ciel? Non, non, Maï, tu ne rêves pas, tu n'es pas folle, C'est moi, c'est bien moi, c'est ton îlot vivant. Laisse-moi t'embrasser les mains et la robe, laisse-moi te toucher, te voir. Relève-toi, laisse-moi me traîner à tes pieds et te demander pardon encore et encore. Il y a bien longtemps que je t'ai pardonné, mais tu ne savais pas. Je ne veux rien savoir, mon fils a souffert, il se repent, il vit, il est là. Voilà ce que je sais. Que me fait tout le reste? Écoute au moins, il faut que je te dise. J'étais venu... Tais-toi, tais-toi, au nom du Christ. Je t'avais tant cherché, je te croyais mort, j'avais si faim. Dieu m'est témoin que je ne voulais pas te faire de mal. Quand j'ai reconnu ta voix, je ne sais plus ce qui s'est passé en moi. Tu as chanté. Mon péché m'est monté à la gorge comme un vomissement. J'ai cru que j'allais mourir. Je voulais fuir, je ne pouvais pas. Tu as prié alors, clairement. J'ai vu la chose, j'ai vu les croix sur la colline, comme à la terricole. Au milieu, celui qui me souriait avait ton visage. Il me regardait. Comme tu me regardes, il me disait des choses comme tu en disais. Alors mon cœur s'est crevé dans ma poitrine. Ah, Maï, Maï, j'ai bien fauté, mais j'ai bien souffert. Pourras-tu vraiment me pardonner jamais? Ne pas te pardonner, moi. Quand il t'a pardonné, lui. Va, c'est fait depuis longtemps, te dis-je. Lève-toi maintenant, je le veux. Tu es le seul fils, tu es le maître. Ouvre l'armoire. Tu trouveras là, à gauche, sous les chemises, un vieux bas plein d'écus. Dès demain, tu iras les porter à ton ancien patron. C'est ton honneur que je t'ai gardé et que je te rends. Pardonné de Dieu, pardonné de ta mère, en règle avec les hommes. Qui donc oserait t'insulter désormais? Et la mère, levant bien droite sa tête blanche, regardait autour d'elle d'un air de suprême défi. Ses yeux rencontrèrent un petit paquet noir, écroulé dans un coin, sur une chaise. « Ma fille, ma Romaine, » dit-elle, courant à elle, la relevant et découvrant un pâle visage tuméfié par les larmes, encore secoué de sanglots. L'enfant avait regardé avec épouvante d'abord, puis avec stupeur la scène entre la mère et le fils. L'homme n'était donc plus un brigand venu pour les tuer, ni un revenant. C'était Yanoulet, ce Yanoulet dont elle n'avait jamais entendu parler avant ce soir, mais dont elle sentait la présence mystérieuse dans les pensées de la veuve depuis si longtemps. Yanoulet, le voleur, il est vrai, mais le fils toujours aimé, toujours attendu, celui auprès duquel elle n'était rien qu'une pauvre orpheline, élevée par pitié, par bonté. Pour la première fois, elle sondait sa misère. Personne au monde ne l'aimerait, elle, comme il était aimé, lui, le coupable, envers et malgré tout, d'une tendresse généreuse, magnifique, sans bornes. Et elle s'était agenouillée. Elle priait, cherchant instinctivement ailleurs ce qui ne serait jamais pour elle ici-bas, ce dont elle n'avait jamais senti encore en elle le torturant besoin. « Tiens, » dit la Maï, amenant la petite fille tremblante et résistante à Yanoulet, « voici ma consolation. Je l'ai trouvée au pied du calvaire, un matin que j'avais été priée pour toi, 2 ans après ton départ. » Elle est l'enfant de mes larmes. Sans elle, je n'aurais peut-être pas supporté mon chagrin. Aime-la pour tout le bien qu'elle m'a fait. » Romaine reculait, effrayée, farouche encore. Mais un son vague montait de la plaine. Son lointain d'abord, puis plus proche, plus distinct. Jean courut à la fenêtre et l'ouvrit toute grande. Le son répandit dans la chambre, grave et réconfortant comme la voix du bien, apportant avec lui des torrents de souvenirs, des flots d'espérance. « Les cloches de Noël !» s'écria l'orpheline. Et tous trois, gravement, en silence, ils se signèrent, adorant en leur âme l'enfant divin. Décembre 1901.